suis un singe évolué. J'ai dans mon cœur la solitude. Je ne suis qu'une bête abandonnée. Je n'existe que par habitude. Je suis un mâle homo sapiens qui tapine dur sur les boulevards avec une belle femelle sapiens, avec ma dose et mon Ricard. Arrête de jouer l'américain avec tes potes et ton Stetson. Ici on se pique au vieux boudin, on shoot au gaz et aux hormones. Avec ma justice la pétasse, celle qui suicide les gens indigents. Je bois des verres, j'enfile des tasses, un coup de pinou et c'est gagnant. Je suis la mort sur les pendus, sur les tchétchènes qu'on assassine, sur la misère, sur les cocus, je torche la gueule à la bibine. Arrête de jouer l'américain avec tes potes et ton Stenson. Ici on se pique au vieux boudin, on shoot au gaz et aux hormones. Je télévisionne sur le secteur quand y'a de la joie au Père Lachaise, devant le grand prédicateur sur Canal Plus, c'est l'heure de la baisse. Je masturbe en vrac sur l'écran bleu. J'aime les gros seins, j'aime les gros culs. Je me sens tout con, je tire sur la meule. Je dégueule tout seul quand j'ai trop bu. Arrête de jouer l'américain avec tes potes et ton Stenson. Ici on se pique au vieux boudin, on shoot au gaz et aux hormones. Arrête de jouer les parisiens avec ta Harley Davidson. Ici on est tous des indiens, on shoot au gaz et aux hormones. On shoot au gaz et aux hormones. On shoot au gaz et aux hormones.